إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن قلوب المسلمين فرحة مستبشرة بمقدم شهر مبارك وهو شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغناه وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا وحق لنا أن نفرح به ونستبشر فقد أعد الله سبحانه وتعالى فيه من الخير والفضل ما ليس في شهر غيره Serviteurs d'Allah, les cœurs des musulmans sont ravis et se réjouissent de l'arrivée d'un mois béni, qui est le mois de Ramadan. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous le fasse atteindre et qu'il nous accorde la possibilité de le jeûner, de prier durant ces nuits de la manière qu'il agrée de nous. Et c'est un devoir pour nous d'être ravis et de se réjouir. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a certes placé en celui-ci comme bien et mérite ceux qui ne se trouvent pas en d'autres mois. أيها المسلمون شهر رمضان هو شهر الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو مسلمان le mois de Ramadan et le mois du jeûne qui est le quatrième des piliers de l'islam comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Umar رضي الله عنهما et quiconque le jeûne avec foi et en espérant la récompense ses péchés passés lui seront pardonnés. Wa huwa shahru al-qiyam, shara'a Allahu qiyamah, faman qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et c'est le mois de la prière de nuit. Allah a légiféré durant ces nuits la prière, et quiconque accomplit la prière de nuit durant le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Fihi laylatun khayrun min alf shahr. هي ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Il y a durant celui-ci une nuit meilleure que mille mois. C'est la nuit du destin, ليلة القدر, celle durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Quiconque prie durant celle-ci avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. هو شهر القرآن فيه أنزله الله وفيه يشرع للمسلم أن يجتهد في قراءته وتلاوته وتدبره ما لا يجتهد في غيره C'est aussi le mois du Coran durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Durant celui-ci, il est légiféré pour le musulman de faire des efforts dans sa lecture, dans sa récitation et sa méditation, plus qu'il ne le fait en d'autres temps. وهو شهر البر والجود والبذل والعطاء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان C'est aussi le mois de la bonté, de la générosité, des dépenses et des dons. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux durant le Ramadan. قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ramadan est un mois béni durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons enchaînés et un annonciateur clame chaque nuit Ô toi qui veux le bien, accours, ô toi qui veux le mal, abandonne-le. Ibad Allah, إن شهرا بهذه المثابة وموسما بهذا القدر حري بالمسلم أن يستعد له أحسن استعداد. فنذكر في هذا المقام بعض المسائل المهمة تعيننا على ذلك إن شاء الله تعالى. Oh vous les croyants, un mot occupant un tel rang et d'une telle valeur mérite que le musulman s'y prépare de la meilleure manière. Nous évoquerons donc ici quelques questions importantes qui nous aideront à cela إن شاء الله تعالى. أولا من كان عليه شيء من رمضان الفائت ولم يقضيه فليبادر إلى القضاء قبل دخول رمضان عليه فإن لم يفعل لغير عذر فإن عليه الإثم فعليه أن يتوب إلى الله وبعد أن يصوم رمضان الحاضر وأن يقضي ما فاته وأن يطعم عن كل يوم مسكينا كما رجحه جماعة من أهل العلم وذكر النساء والفتيان والفتيات وكل من تحت مسؤوليتكم لأنه يكثر الغفلة في هذا الباب. Premièrement, quiconque a des jours de Ramadan dernier qu'il n'a pas rattrapé, qu'il s'empresse alors de le faire avant l'entrée du Ramadan, et s'il ne fait pas et qu'il n'a aucune excuse, il est alors dans le péché. Il doit donc se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le jeûne de ce mois, il devra alors rattraper ce qu'il a manqué et en plus nourrir un pauvre pour chaque jour, comme l'ont soutenu un groupe de gens de science. Rappelez cela aux femmes, aux jeunes garçons et filles et tous ceux qui sont sous votre responsabilité, car il y a beaucoup d'insouciance à ce sujet. ثانيا ألا يصوم المسلمون إلا إذا ثبت دخول الشهر بأحد طريقين لا ثالث لهما وهو رؤية هلال رمضان فإن لم يرى فبإتمام شعبان 30 يوما ولا عبرة بالحساب الفلكي ولا مدخل له في الرؤية للنص على طرق دخول الشهر في صحيح السنة والإجماع على أهل العلم على ذلك. Deuxièmement, les musulmans ne doivent jeûner que si l'entrée du mois a été confirmée d'une des deux manières légiférées, et il n'y en a pas de troisième. La première est la vue de la nouvelle lune de Ramadan, et si elle n'est pas vue, alors en complétant le mois de Sha'ban à 30 jours. Et le calcul astronomique n'est en aucun cas pris en considération. Et ne rentre pas dans la vision, d'après les textes, au sujet des manières de confirmer l'entrée du mois qui sont rapportées dans la sunna authentique et l'unanimité des gens de science à ce sujet. ثالثا لا يجوز تقديم رمضان بصيام يوم او يومين الا لمن كان له عاده في الصيام او للقضاء اما الصيام قبله بيوم للاحتياط فهذا لا يجوز ففي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم. Troisièmement, il n'est pas permis de faire précéder le Ramadan par un ou deux jours de jeûne, sauf pour quelqu'un qui a pour habitude de jeûner ou qui doit rattraper. Quant au fait de jeûner un jour avant par précaution, alors cela n'est pas permis. En effet, il est rapporté authentiquement d'après Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas précéder Ramadan d'un jour ni de deux, sauf qu'un homme qui a habitude de jeûner alors qu'il jeûne. رابعا يستعد المسلم لهذا الشهر المبارك بتعلم أحكام الصيام والقيام والتفقه فيها وكذلك تعلم أحكام الاعتكاف والاعتمار لمن أراد شيئا منهما في هذا الشهر الكريم والسهل عما يشكل عليك من أحكام الصيام فإن العبادة لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم وكانت موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتم إلا بتعلم هذه الأحكام وطريقة العلم بها لمن لم يكن من أهل العلم بالرجوع إلى أهل الفتوى المعتبرين وكبار أهل العلم وبسؤالهم عنها مباشرة وعبر وسائل الاتصال الحديثة. Quatrièmement, le musulman se prépare pour ce mois béni en apprenant les règles du jeûne, de la prière de nuit et en s'instruisant à ce sujet, en apprenant aussi les règles de l'i'tikaf et de la umrah pour ceux qui souhaitent les accomplir durant ce noble mois. Et il faut également interroger sur ce qui te pose problème parmi les règles du jeûne. En effet, celui qui accomplit une adoration n'en profite que s'il l'accomplit sincèrement pour le visage d'Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci ne peut se concrétiser qu'en apprenant ces règles et la manière de les connaître pour ceux qui ne font pas partie des gens de science et de revenir aux gens dignes de considération dans le domaine de la fatwa et les grands gens de science en les interrogeant à ce sujet directement ou via les moyens modernes de communication. Khamisan, قد يزين الشيطان لبعض الناس فكرة السفر في رمضان من أجل أن يفطر وهذه حيلة محرمة لا يسقط بها ما أوجب الله ولا يحل بها ما حرم الله سبحانه وتعالى ولو كانت سورة السفر سفر عمرة فالله عليم بالنوايا لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى أما إذا سفر المسلم سفرا مشروعا أو مباحا فله أن يفطر وأن يستمتع بما أباحه الله للمسافر فمن سافر ليعتمر أو يصل رحمه أو حتى لنزحة مباحة فأفطر جاز له ومن سافر بنية الإفطار والتحيل على رمضان لم يبح سفره ولا فطره ولو ذهب إلى مكة. Cinquièmement, le diable pourra embellir à certaines personnes l'idée du voyage durant Ramadan dans le but de rompre. Et ceci est une ruse interdite qui n'affranchit pas de ce qu'Allah a ordonné et ne rend pas licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, même si ce voyage est une umra. Allah subhanahu wa ta'ala connaît les intentions et rien ne lui est caché subhanahu wa ta'ala. Cependant, si le musulman voyage pour une cause légiférée ou permise, il lui est alors permis de rompre et de jouir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux voyageurs. Ainsi, quiconque voyage pour accomplir une umra ou pour entretenir ses liens de parenté ou même pour une promenade licite ou une excursion licite et qu'il rompt, alors ceci lui est permis. Et quiconque voyage avec pour intention de rompre et de tricher pour Ramadan, alors son voyage n'est pas permis, ni sa rupture, et ce, même s'il voyage vers la Mecque. سادسا اعتاد بعض الناس في هذه الأيام وفي شهر رمضان على الاجتهاد في سهال الناس وطلبهم الزكاة والصدقة وليسوا مستحقين للزكاة فهؤلاء ما يأكلونه من الزكوات بغير حق فإنما يأكلون نارا والعياذ بالله. Sixièmement, en ces jours et durant le mois de Ramadan, certaines personnes se sont habituées à solliciter les gens et leur demander la zakat et l'aumône, alors qu'ils ne sont pas en droit de recevoir la zakat. Ce que mangent ces gens-là comme zakat sans aucun droit n'est que du feu qu'ils mangent, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur al-rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المسألة السابعة أيها المسلمون ها نحن نرى أكثر الناس وكثيرا منهم أخذ يستعد لرمضان بتوفير أنواع المطاعم والمآكل والمشارب مع أنهم لو أكلوا فيه ما يأكلون في غيره ما ضرهم شيء وليس المحظور في ذلك ولكن المحظور هو المبالغة في المشتريات والدخول في الإسراف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتنفق الأموال الطائلة في كميات يكون مصير كثير منها إلى المزابل والعياذ بالله إننا بفضل الله وبحمده لسنا مقدمين على مجاعة ولا على حرب ولكن مقدمون على رمضان شهر الصيام والقيام الذي يطلب فيه التخفيف حتى يكون أعون على صفاء القلوب وأدعى إلى النشاط للقيام وقراءة القرآن قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Septièmement, nous voyons la plupart des gens, ou beaucoup d'entre eux, se préparer pour Ramadan en réunissant toutes sortes d'aliments, de nourriture et de boissons. Alors que s'ils mangeaient durant ce mois ce qu'ils mangent en dehors de celui-ci, cela ne leur nuirait en rien. Et cela n'est pas interdit en soi, mais ce qui est interdit, c'est l'exagération dans les achats, entre ainsi dans l'excès et le gaspillage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Des sommes considérables sont donc dépensées dans des quantités qui finiront pour la plupart dans les poubelles et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah et sa louange, nous ne nous préparons pas pour une famine, ni pour une guerre, mais nous nous préparons plutôt pour le Ramadan, le mois du jeûne et de la prière de nuit, durant lequel il est souhaitable de faire des restrictions afin que cela soit plus favorable, pour nous aider à purifier nos cœurs et que l'on soit plus à même d'être motivé pour la prière de nuit et la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens rapproché, décrivant les serviteurs du tout miséricordieux, ceux qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Et il a dit subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. أيها المسلمون كما أن كثيرا من الناس أخذ يستعد له بمتابعة جداول القنوات والشاشات في هذا الشهر الكريم والله المستعان أيها الإخوة إن حزب الشيطان وأعوانه قد أجهدوا أنفسهم في الشهور الماضية ليعرضوا أعمالهم في هذا الشهر الكريم وبئست هي الأعمال التي أعدوها فالخاسر المسكين هو الذي يجره الشيطان وأعوانه إلى إضاعة شهر رمضان في المنكرات والمحرمات والعياذ بالله. Beaucoup de gens se préparent également pour suivre les programmes télévisés durant ce mois, durant ce noble mois, et c'est à Allah que l'on demande l'aide. Oh mes frères, le parti du diable et ses alliés se sont préparés durant les mois précédents pour présenter leurs œuvres, durant ce noble mois, et comme sont mauvaises les œuvres qu'ils ont préparées. Le pauvre perdant est donc celui que le diable et ses alliés conduiront à la perte de ce mois de Ramadan, en le passant dans les choses blâmables et les interdits, et le refuge est auprès d'Allah. سبحانه وتعالى عباد الله فلنصون رمضان عن كل ما يصرفه عن كونه شهر اجتهاد في الطاعة إلى شهر غفلة ومعصية وإضاعة إن هذا الشهر لفرصة عظيمة عودة إلى الله والتوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي فيا صاحب الذنب تب من ذنوب قبل أن تندم على ما فرطت في جنب الله سبحانه وتعالى ويا أيها المدخن جهز نفسك في هذه الفرصة على الإقلاع عن التدخين الذي أضرك وأضر غيرك والله المستعان وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Serviteur d'Allah, préservons donc ce mois de Ramadan de tout ce qui pourrait le faire passer d'un mois d'effort dans l'obéissance à un mois d'insouciance, de désobéissance et de perte. Ce mois est une occasion pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir et abandonner les péchés et les désobéissances. Alors ô toi qui commets des péchés, repens-toi de tes péchés avant de regretter ta négligence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi qui fumes, prépare-toi en cette occasion pour délaisser la cigarette qui te nuit et nuit à ton entourage. Wallah al-musta'an. Et repentez-vous tous à Allah, vous les croyants, ainsi obtiendrez-vous la réussite. Allahumma inna nas'aluka an tuballighana Ramadan wa an tarzuqana siyama wa qiyama ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna إنك سميع الدعاء وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.